petite devinette. Si je vous dis massue plus peau de bête plus tire sa femme par les cheveux, vous pensez à qui? Ben écoutez, je ne pense à personne en particulier. J'espère que vous ne pensez pas à moi. Oh non, mais vous pensez à qui? Oh, je pense Cro-Magnon, Néandertal, homme des cavernes, homme singe, homme préhistorique. Très bien, très bien. Et je me rends compte tout de suite que le vocabulaire est assez touffu et pas forcément scientifique. Non, très confus. Il paraît d'ailleurs que les historiens de cette période sont très individualistes et c'est peut-être pour cela aussi que le vocabulaire est un petit peu flottant. Absolument. On a plusieurs séries de vocabulaire. Un vocabulaire, disons, courant et pas précis du tout. L'homme des cavernes, celui qui se réfugiait dans les cavernes. L'homme préhistorique. Oui, ça c'est vraiment vague. Celui qui date d'avant l'histoire que l'on connaît. Ou encore l'homme singe. C'est encore plus vague, puisque l'homme ne descend pas vraiment du singe, malgré et en même temps grâce à Darwin. Dans un lexique un tout petit peu plus scientifique, nous disposons des termes hominien et hominidé. Ce sont des mammifères dont seule subsiste aujourd'hui une branche, la nôtre, celle des hommes. Je dois dire, Evelyne, que vous êtes une hominienne particulièrement réussie. Oh ben ça, c'est le plus charmant compliment qu'on m'ait jamais fait. Avant l'homme actuel, beaucoup d'espèces vivantes ont appartenu à cette classe des hominiens. Il y a par exemple un sous-groupe qu'on appelle les hominidés. À ces hominidés appartiennent tous ceux qu'on va appeler, par exemple, les australopithèques ou les pithécanthropes. Pourquoi cette présence de pithèque, qui vient de pithékos en grec? Pithékos, effectivement, c'est le singe en grec. Alors pourquoi le singe? Eh bien parce qu'à la fin du 19e siècle, on est bien persuadé de la théorie de l'évolution. Et on pense que l'homme descend du singe, avant de découvrir d'ailleurs que le singe et l'homme ont un ancêtre commun. Et après les pithécanthropes et les anthropopithèques, c'est bien souvent le lexique latin qui va relayer les racines grecques. On parlera par exemple d'homo habilis, celui qui est habile, qui se sert par exemple de sa main. Prise de force, les 5 doigts, prise de précision, 2 doigts seulement. Et ensuite, il y aura l'homo erectus. Oui, on a simplement sauté quelques centaines de milliers d'années pour le trouver, dresser cet homo erectus, comme son adjectif l'indique. C'est un bipède, c'est tout. Vient ensuite l'homo sapiens, appelé également homme de Néandertal, cela depuis 1856, où l'on a trouvé dans une petite vallée allemande, assez près de Düsseldorf, les vestiges précisément de cet homme néandertalien. Oui, qui savait faire pas mal de choses. Une belle leçon de modestie, quand je pense que l'homme de Néandertal savait par exemple maîtriser le feu, travailler la pierre, le bois, les os, et bien, mon Dieu, je me dis que je ne suis pas sûr de savoir en faire autant. Allons, ne soyez pas modeste. Bon, je sais acheter un briquet, mais à part ça, vous savez, c'est tout. Le dernier homo sapiens s'est éteint, voilà, quelques 35 000 ans environ. Alors, vous voyez que depuis, on a fait quelques progrès, même vous, Yvan. Oui, c'est un rival peu dangereux. Enfin, apparaît l'homme de Cro-Magnon ou le sapiens sapiens. Alors là, vous voyez qu'il y a un renforcement extraordinaire de la compétence. On l'a trouvé dans le sud de la France, en Dordogne, à côté des Aisies, dans ce lieu dit de Cro-Magnon, ce qui explique l'appellation homme de Cro-Magnon. C'est une chance qu'on l'ait trouvé à Cro-Magnon, parce que le mot a fait fortune. Il faut dire que ce mot est admirable. Il évoque à la fois le gros et puis le croc, la dent. Il évoque ce qui est mignon, mais il évoque aussi le moignon. Pour les fantasmes de nos contemporains, Cro-Magnon, c'était pain béni. Alors là, Yvan, vous délirez.